écris ma rime au lever de la pleine lune. Viens anti, je me fais pas la guerre si tu me dois des thunes. C'est quoi les gis, me fais pas la bise si tu proues de la chape. Ma life partie en couille comme un chou. La one roule un guise, grillée comme ma casquette guette. Mentira celui qui nie qu'on vit pas la thèse. Péché, depuis 12 piges, je fais riger. Check les miens en moi et cacher de la haine sachée. Négro, je manie l'art de la rue. Regarde comment on survit ici quand c'est rude. J'veux 60% du bénéfice sur ton marché. La haine de l'Afrique en moi est encore cachée. Ma rage sort des halls. Négro, si tu veux du son, frelo, nous on est hal. Tu veux quoi de nous? Demande à la basique. Quand il s'agit de maille, on manipule l'art des bâtards. En fait, qu'est-ce qu'ils savent de nous? Chez nous, ça vise, nourrit du bus. Noël en bas des tours. La rue, on la côtoie, arrête de jacter. Ou du rire au drap, on risque de passer. En fait, qu'est-ce qu'ils savent de nous? Nous sa vie, souris du bus. Noël en bas des tours. La rue on la côtoie, arrête de jacter. Ou du rire au drap, frelon risque de passer. Tout le monde peut dead, tout le monde peut se refaire. On ira chercher l'argent où il faut, quitte à se plomber. Je veux une vie de rêve, face à la remet. Voir le sourire de la mama, tu sais pas ce que ça me fait. Je veux qu'elle ait moins en forme qu'une personne. Quand j'ai mal à la malle, tu vois ça tue personne. Je veux qu'elle envahisse le sous de mon matelas. Vert jaune violet, putain, le compte est toujours là. Je veux la vie de luxe, la Benz luxe. Une salope de l'Est pour mes fantasmes de gosse. Je veux la tête à daddy dans un bocal. J'ai trop la dalle, il faut que je calme mes cordes vocales. Je veux qu'à son pater on soit bourré d'oseille. Pendant que de l'autre côté eux seront bourrés au sky. Je veux, mais en fait je veux trop de choses. Car je sais qu'à la fin j'aurai sans doute peu de choses. En fait, qu'est-ce qu'ils savent de nous? Chez nous ça vise, nourrit du bis. Noël en bas des tours. La rue on la côtoie, arrête de jacter. Ou du rire au drap, on risque de passer. En fait, qu'est-ce qu'ils savent de nous? Chez nous ça vise, nourrit du bis. Noël en bas des tours. La rue on la côtoie, arrête de jacter. Ou du rire au drap, on risque de passer. En fait, ce qu'ils savent pas de nous, P.I.T. L'oreille et la rime, la one dans le terre-terre. T'es as, de nouveau dans l'arène. Inox, regarde comment ma dalle est dure. SKR numéro 10, donc peu de choses à dire. SP2ON, pour toi quelques gouttes de sky. Faut que tu saches, même en été, moi je fais du ski. Calbo, Black Zone, on tient le coup. J'ai l'air Kairos, ils contrôlent tous nos 12 coups. J'suis le gardien de mon petit ref, merci la galbe maléfique. Tu sais très bien, ici le mal est fait. T'es score, le savoir est une arme, le savoir c'est la school. On se retrouvera au deplay, à siroter du scotch. J'ai l'air attiré, peut-être trahi. Mon pétra à la barre, même si on est haï. Frelot, c'est la tape. Pas de site, dans la rue ma gueule. Joe la coke, sonne pas terre. En fait, qu'est-ce qu'ils savent de nous? Chez nous ça vise, nourrit du bus. Noël en bas des tours. La rue on la côtoie, arrête de jacter. Ou du rire au drap, on risque de passer. En fait, qu'est-ce qu'ils savent de nous? Chez nous ça vise, nourrit du bus. Noël en bas des tours. La rue on la côtoie, arrête de jacter. Ou du rire au drap, on risque de passer. En fait, qu'est-ce qu'ils savent de nous? Chez nous ça vise, nourrit du bus. Noël en bas des tours. La rue on la côtoie, arrête de jacter. Ou du rire au drap, on risque de passer. En fait, qu'est-ce qu'ils savent de nous? Chez nous ça vise, nourrit du bus. Noël en bas des tours. La rue on la côtoie, arrête de jacter. Ou du rire au drap, on risque de passer.